Situation 2. Je cherche un logement. Créteil Logement, bonjour. Bonjour madame, je vous appelle parce que je cherche un logement à Créteil.